بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par les coursiers qui, haletant, font jaillir des étincelles, qui attaquent à l'aube, soulevant un nuage de poussière, et qui pénètrent en un seul groupe le centre de la troupe ennemie. L'homme est ingrat envers son Seigneur, et ses actions en témoignent, et il éprouve un amour ardent pour les richesses. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ne sait-il pas que lorsque le contenu des tombes sera éparpillé, et que les secrets que contiennent les poitrines seront dévoilés, que ce jour-là, certes, leur Seigneur sera parfaitement informé à leur sujet.